Le vice-président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, Choi Ryong-hae, envoyé spécial du dirigeant suprême Kim Jong-un, président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée, a quitté le 12 Managua, capitale du Nicaragua, au terme de sa participation à la cérémonie de prise de fonction du président nicaraguayen. Pendant son séjour, il a fait le tour des villes de Managua et de Grenada.